إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Donc inshallah nous allons entamer la traduction de questions-réponses de la séance de questions-réponses avec l'honorable Cheikh Lazhar Nekra Hafizahullah Ta'ala datant du 22 juillet 2017. Et le Cheikh Hafizahullah, après avoir fait une introduction utile et comportant beaucoup de bénéfices et de biens, il a entamé la réponse à des questions. En tout, il a répondu à 9 questions, Hafizahullah Ta'ala. La première question est: comment positionner l'index pendant le tashahhud et le salam, donc, c'est-à-dire la position de l'index, c'est le doigt qui est entre le pouce et le majeur, comment il doit être positionné. Dis-moi, Fawzi, ça fonctionne? Ça fonctionne. D'accord. Donc, comment le doigt, l'index qui est entre le pouce et le majeur doit être positionné pendant le tashahhud, lorsqu'on fait at-tahiyyat, et aussi au moment du salam, de la salutation pour sortir de la prière. Donc, le Cheikh Hafizahullah, en réponse à cette question, dit: cette question concerne la prière, la salat, et il en profite pour nous parler d'un grand ouvrage énorme et grandiose écrit par le grand savant, l'imam, le muhaddith, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, où à l'intérieur de ce livre, on retrouve tout ce qui concerne ce domaine de la salat. Et le livre est, comme le Cheikh l'a bien nommé, Sifatu Salat al-Nabi, la manière, la description de la salat du prophète en sallam, depuis le premier takbir pour entrer dans la prière, jusqu'au assalam, jusqu'aux salutations pour quitter la prière, donc du début jusqu'à la fin, comme si tu la voyais, comme si tu étais en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu voyais le prophète accomplir la prière. Et le Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, sur ce point, a 3 ouvrages. Il en a un qui est le grand livre de la salat, qui est la base même des recherches concernant la salat, la recherche dans le domaine du hadith et l'étude des hadiths sur la salat, qui est en près de 4 volumes. Et le deuxième, connu et répandu, qui est en un seul livre, en un seul volume, et il a fait au final un résumé, un condensé de la salat du prophète, le résumé du livre de la description de la falaise. Et ce livre est traduit en français. Et donc, alhamdoulilah, toute personne peut en profiter. Le premier tachahoud, donc il y a les prières qui comportent un seul tachahoud, c'est celles qui ont deux rak'as, et les prières qui comportent deux tachahoud, ceux qui ont trois ou quatre rak'as. Au premier tachahoud, après avoir accompli deux rak'as, deux unités de prière, on s'assoit d'une manière qui s'appelle al-iftirash, c'est-à-dire que on pose le pied gauche sur lequel on va s'asseoir et on dresse le pied droit debout, appuyé sur les orteils, de sorte que les orteils du pied droit sont orientés vers la qibla, en direction de la Mecque. Et les deux mains sont posées sur les genoux, la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. Et la main droite, elle doit être fermée, les doigts fermés, et il pointe l'index en direction de la qibla. Et le pouce et le majeur, il doit les faire toucher les bouts de ses doigts, du pouce et du majeur, de sorte à former un cercle. Ou alors, avec le pouce, il prend le bout de son majeur, ça fera aussi comme un cercle, avec l'index en direction de la qibla. Puis, l'index dressé en direction de la qibla, il devra le faire bouger, et cette position-là, il doit la garder jusqu'au salam, jusqu'aux salutations. Et cette position des mains, c'est celle qui est demandée dans les deux tachahoud, le premier et le deuxième. Et Allah est plus savant. Et le sujet de la salat, il est très important, et ce livre de Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah doit être étudié par tous. Ceux qui sont francophones, ils peuvent l'étudier en français, et les enseignants se doivent aussi de l'enseigner et de le traduire. Et même le savant, l'imam, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz alayhi rahmatullah, il a aussi un ouvrage à ce sujet sur la manière de prier du prophète alayhi salatu wassalam. Ici se termine la réponse de la première question. Deuxième question, une question d'une sœur qui demande: je voyage en Algérie pour un mois, je vais chez ma famille. Est-ce que une fois sur place, pendant ce mois-là, je suis en voyage ou pas? La réponse, le cheikh Hafizahullah dit, et vous remarquerez que le cheikh, à chaque fois qu'il répond à une question, il fait les louanges et les inshallah azad écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, il le fait en début de réponse, Hafizahullah ta'ala. Donc le cheikh, pour la réponse à cette question, il dit, premièrement, il y a l'avis, l'opinion de Al-Jumhur, qui veut dire la majorité, la plupart des savants et des imams de l'islam qui eux voient comme paramètre la durée que va rester cette personne. Alors après, ils divergent sur le nombre de jours. Il y en a qui voient 4 jours, d'autres qui voient plus que 4 jours. Donc selon cette durée. Donc si la personne va résider ou va rester ce nombre de jours, donc ou plus, il ne sera plus voyageur. Donc il fera cette prière complètement. Mais s'il reste moins que ces jours précis, alors il pourra raccourcir car il est considéré comme voyageur. Puis, il y a la deuxième opinion, le deuxième avis sur le sujet du voyageur, qui est l'avis de certains savants de l'âme, et le shir opte pour cet avis, et il dit que c'est l'avis le plus probable et le plus authentique sur le sujet, car le prophète en sallam n'a pas précisé de délai concernant le voyageur. Et il est aussi rapporté que certains compagnons, radiallahu anhum, ont raccourci pendant près de 3 mois, car ils n'avaient pas l'intention de rester, de résider. Donc, Ici, le véritable paramètre à prendre en considération, c'est la résidence. Est-ce que la personne a l'intention de résider à cet endroit? Tant que le voyageur n'a pas cette intention, c'est-à-dire de rester, de résider, il est considéré comme voyageur, c'est la vie à opter pour Ibn Taymiyyah, Sheikh l'Islam, rahimahullah, ainsi que d'autres qui ont suivi son avis. Et si c'est un homme et qu'il a une mosquée pas loin de là où il réside, et donc il va prier dans la mosquée, alors il se doit de prier complètement avec l'imam. Il fait la prière complète avec l'imam. Et Allah est plus savant. Troisième question. Une sœur demande sur la méthode pour inviter ses parents à l'islam authentique, c'est-à-dire à la véritable compréhension de l'islam, aux vrais préceptes de l'islam. Surtout quand les parents accusent les enfants de ne pas connaître, accusent les enfants d'être ignorants, et que les parents ont une certaine connaissance, parfois même mémorisent le Coran, donc ils ont une connaissance qui est bien plus grande que leurs enfants. Le Cheikh, en réponse à cette question, dit « Ceci, en réalité, est un grand fléau, un grand mal qui touche pratiquement tous les pays musulmans. Et ceci pour beaucoup de raisons. En premier lieu, c'est une bonne chose que les enfants pensent à la guider de leurs parents, de leur donner le conseil, de leur montrer et clarifier la vérité. Il est dommage de voir que souvent les parents agissent avec une règle fausse, qui est en réalité une règle connue chez les polythéistes et les idolâtres d'auparavant, lorsqu'ils ont dit face à leur prophète, nous avons trouvé nos parents, nos ancêtres sur une voie, et certes, nous allons les suivre. Ils suivent les ancêtres, ils suivent les parents, qu'ils aient raison ou pas, qu'ils soient sur le vrai ou le faux. Et pour dire vrai, voilà le faux en personne. Car notre devoir à tous, qu'on soit parents ou enfants, c'est d'être des suiveurs, d'être des adeptes de la vérité. Et la vérité ne se connaît pas par le fait qu'un tel mémorise le Coran, ou un tel est âgé, ou un tel est ancien dans la pratique religieuse. Jamais. La vérité ne se reconnaît que quand la chose est en conformité au fondement de la vérité. Et les fondements de la vérité sont les textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il est en conformité, alors voilà la vérité à laquelle doit s'y plier, s'y soumettre tous les gens. Et s'il est en contradiction, alors c'est le faux même si les personnes étaient dessus. Il y a des parents qui ont croyance d'idolâtrie, de polythéisme, et qui ont été égarés par des mauvais imams et des prêcheurs de l'égarement. Ils les ont suivis, donc ils se sont perdus. Leur cas est celui cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Car Allah ne prend pas le savoir, la science des cœurs des hommes, mais il prend le savoir, la science, en prenant l'âme, la vie des savants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants. » Là, les gens prendront comme référent, prendront comme élite ou comme savants, en pensant que ce sont des savants, des personnes ignorantes, à qui des questions leur seront posées. Et ils répondront sans science. En agissant ainsi, ils vont s'égarer et égarer les autres. Donc, ces gens qui ont été questionnés, ils vont égarer leur propre personne et ils vont égarer les autres gens. Et combien ils sont nombreux, surtout dans les pays, dans les territoires qui sont loin de la science religieuse et loin des savants, ces endroits où sont nombreux les Arouaïdira, les petits qui se prennent pour des grands, les innovateurs, loin de la sunna, les pseudo-savants, les pseudo-connaisseurs, ils se font passer pour des gens qui connaissent, alors qu'ils ne le sont pas. J'invoque Allah, donc le cheikh invoque Allah pour qu'il préserve les musulmans et protège les musulmans du mal de ces personnes. Les musulmans louent Allah et est reconnaissant envers lui de l'avoir guidé sur la voie droite face à ces ténèbres dont les unes sont au-dessus des autres. Et c'est un énorme bienfait d'Allah dont aucun fait ne peut égaler. Qu'Allah t'ait guidé vers son droit chemin, sur son droit chemin, et que tu sois attaché, cramponné à la sunna, et que tu sois du nombre de ses partisans, et que tu suives les gens de la vérité parmi ses savants et ses imams. Voilà un grand bienfait d'Allah sur toi. Et donc, il est un bien de le vouloir, ce bien, à ses proches, car la personne aime le bien. Il se peut qu'Allah fasse de cette personne une cause de ce bien. Il faut être une clé du bien et de guider pour les autres. Donc le jeune salafi, la jeune salafia, se doit de clarifier et montrer cette vérité à sa famille et à ses proches. Comme Allah nous dit dans le Coran, dit à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » dans le sens du verset, et avertis les proches parmi ta famille. D'abord les proches, montre-leur la vie qu'Allah est la parole d'Allah à son prêtre, sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne doit être sage dans son explication, dans sa clarification. Elle doit prêcher et inviter avec sagesse et bonne exhortation. Elle doit prêcher de par son comportement, de par sa bonne pratique, avant même ses paroles. Il est décevant de voir chez beaucoup de nos jeunes et enfants une certaine dureté dans le prêche d'autrui et le manque de patience, ce qui ne fait qu'éloigner les gens de notre prêche. Et le prophète a prévenu contre cela lorsqu'il dit « Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Ils font fuir les gens du véritable prêche, du fait de leur mauvais comportement et de leur mauvaise méthode employée dans le conseil et la clarification. » Allah dit, Subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْلُ مِنْ حَوْلِكَ. Dans le sens du verset, et que de par une clémence, une miséricorde d'Allah, si tu as été doux, tendre envers eux, envers les compagnons, et si tu étais doté d'un cœur dur, ils se seraient éparpillés, ils ne seraient pas restés auprès de toi. Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler avec douceur, compassion, miséricorde, clémence, sagesse et bonne exhortation. Voilà donc les conseils qu'on donne à notre sœur. Elle doit patienter face à leurs nuisances. Elle doit être compatissante vis-à-vis d'eux et avec ça faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations en leur faveur. Quatrième question. Un frère demande le jugement de celui qui refuse d'accomplir le hajj, d'accomplir le pèlerinage, alors qu'il en a la capacité physique et les moyens financiers. Certains, tout en reconnaissant son obligation, ils le repoussent à plus tard et ils ont en prétexte le travail ou autre chose. Le cheikh Hafizahullah répond à cette question en disant « Les raisons évoquées, citées dans la question, sont rejetées, ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque musulman doit bien comprendre qu'Allah nous a ordonné des piliers qui sont les plus grandes obligations, car le musulman en est concerné dès le début, avant toute chose. Il y a les textes du livre du Coran et de la sunna du prophète sallam qui prouve cela. Parmi les plus explicites, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoya Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen pour appeler, inviter les gens à l'islam. Il lui dit, alayhi salatu wa sallam, à Mu'az radiallahu anhu, je t'envoie vers des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites, tu les appelles, c'est les deux attestations. Que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est d'Allah. Si il répond favorablement, accepte cela, alors informe-les qu'Allah leur a ordonné 5 prières à accomplir dans la journée et la nuit. Si il répond favorablement, accepte cela, alors informe-les qu'Allah leur a ordonné une zakat, une aumône obligatoire qui est prise de leurs riches pour être donnée, versée à leurs pauvres. Et le hajj fait partie des points comme, qui fait partie de ces grandes règles religieuses et qui doivent être connues et qui sont connues par les gens par nécessité, comme le disent les savants. Est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et le hajj, pour celui qui en a les moyens, est une obligation. Les moyens physiques, la santé lui permet, ainsi que les moyens financiers, l'argent. Et c'est aussi pour les femmes le combat dans le sentier d'Allah. Car dans le hajj, il y a la difficulté pour l'accomplir et il y a la fatigue qui s'y trouve pour l'accomplir. Et donc, c'est un combat dans le sentier d'Allah pour les femmes. Et aussi, il est précisé que plus la personne se fatigue dans cet acte-là, et plus sa récompense, elle sera grande. Donc, si les conditions sont présentes physiquement, et il y a la sûreté dans le trajet pour voyager, et la personne elle a les moyens financiers, il n'a pas le droit de le repousser ou de le retarder. Et on le récit du prince des croyants, le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il dit « Celui qui a la capacité et les moyens d'accomplir le pèlerinage, qui possède la monture pour pouvoir y aller, et il n'y va pas, il ne lui reste plus qu'à mourir qu'en tant que juif ou chrétien. » Et donc, cette personne qui viendrait à mourir dans cette situation, il meurt dans de mauvaises conditions. Mais on ne dit pas qu'il est mécréant, car il n'a pas renié cette obligation. Mais si jamais il vient à renier le côté obligatoire du pèlerinage, alors il apostasie. Mais si ce n'est pas le cas, mais il l'a repoussé, il l'a délaissé par fainéantise, par paresse, par avarice, de peur de dépenser son argent, par attachement de ce bas monde, par insouciance de l'au-delà, alors il est pécheur, il commet un péché, il est face à un grand danger, et on craint pour lui dans l'au-delà. Les musulmans se doivent obligatoirement de s'empresser d'accomplir cette grande adoration qui est le hajj. Certains attendent d'avoir les moyens pour lui et sa famille. Ils pensent qu'il doit le faire au même moment, lui, son épouse, ou les autres membres de sa famille, ou alors que lui et son épouse. Non, il se trompe, celui qui pense comme cela. Tu commences par ta propre personne. Si tu as pour toi et que le pèlerinage arrive, alors il t'est une obligation de l'accomplir. Maintenant, si tu en as les moyens, Allah t'a donné et tu es riche et que tu peux le payer pour ta femme et que tu la prennes avec toi pour le pèlerinage, alors c'est un grand bien que tu fais en agissant ainsi. Comme le prophète Al-Salam a dit, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont le mieux envers leur famille et leurs épouses. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille et mes épouses. Cinquième question. Un jeune converti depuis des années dit « Je fais beaucoup d'efforts, mais je remarque que je ne réussis pas dans ma vie mondaine, ni dans l'apprentissage de la religion, ni dans le mariage. Je ressens un vide dans mon fort intérieur. Et de ce fait, il m'arrive de commettre des péchés. En pleine conscience et connaissance de cause, ma foi baisse et à chaque fois je demande le pardon. Est-ce une forme de punition à mon encontre? Le cheikh Hafizahullah répond à cette question en disant: remercie Allah subhanahu wa ta'ala, sois reconnaissant envers Allah azza wa jal de ce grand bienfait qu'il t'a octroyé, qui est la guidée à l'islam. Car ceci est le plus grand des bienfaits. Tu dois combattre ton âme qui te pousse au mal et ne pas fléchir et patienter, surtout dans les pays comme celui dans lequel tu te trouves. Reste avec les vertueux, les bonnes personnes, et éloigne-toi des mauvaises personnes, car l'homme, la personne, elle est sur la même religion que son ami. Choisis les bons compagnons, car les mauvais nous causent du tort. Assiste à des cours, aux assises de science. Sinon, si tu ne le peux, par les moyens qu'on a aujourd'hui, comme Internet, les gens peuvent écouter des cours. Là, tu vas te renforcer par la grâce d'Allah, Azza wa Jal. Et tu pries Allah et tu l'invoques de te raffermir et de te faciliter et de te guider. Sixième question. Une sœur qui demande: sur le voyage sans mahram ou avec une femme pour rejoindre son mari dans son pays, en avion avec toute la sécurité qu'il y a de nos jours. Le cheikh répond, Hafizahullah, ceci est un fléau qui s'est propagé et qui est répandu. Si la femme a un mahram, le mari, le père, le frère ou autre, avec qui elle peut voyager, alors il lui est interdit de voyager sans mahram. Comme l'a bien dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la femme qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas faire un voyage d'une journée ou d'une nuit si ce n'est avec la présence en compagnie d'un mahram. Et il y a une opinion, il y a un avis qui dit qu'il y a un groupe de personnes sûres qui l'accompagnent, mais le problème, c'est que cet avis, il n'y a aucun texte religieux, ni verset coranique, ni hadith du prophète sallam qui pourrait appuyer cette opinion. Cette parole, en plus de cela, contredit le hadith authentique, clair et explicite qu'on vient de citer. Il y a aussi le hadith dans lequel un compagnon avait prévu de participer à une expédition, un combat avec les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, lorsque cet homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son épouse, elle va partir, ou elle est partie pour accomplir le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu pars l'accompagner. Tu délaisses ton engagement que tu avais et tu pars accompagner ton épouse pour faire le pèlerinage. Mais si elle ne trouve où la Umrah, mais si elle ne trouve pas de mahram et que ce voyage est obligatoire pour elle, comme par exemple la hijra, l'émigration vers la terre d'Islam, qui est une obligation, alors là, elle n'a pas le choix dans ce cas bien précis. Et comme l'a bien dit Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, elle a dit: et est-ce que toute femme trouve un mahram? C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'ont pas de mahram, qui n'ont pas cette capacité d'avoir un homme qui est un homme, un proche parent, qui puisse l'accompagner. Question numéro 7. Un frère demande concernant l'acte de mariage: si le tuteur ne connaît pas khutbatul haja, c'est-à-dire le discours du besoin, c'est l'introduction qu'on a pris de l'enseignement du prophète en sallam, comme vous l'avez entendu en début de cours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Khutbatul Haja, le discours du besoin. Est-ce que le prétendant peut la formuler? Donc si le tuteur ne la formule pas, est-ce que le prétendant, celui qui va se marier, peut la formuler? Le cheikh Hafizallah a dit, Khutbatul Haja, le prophète a fait un débuté et commencé avec les prêches du vendredi et aussi les actes de mariage. Et elle est bien connue chez nos frères salafis, étant donné qu'ils l'entendent souvent de la part de leurs mashayikh et de leurs savants. C'est une sunna avant l'acte de mariage. Une personne tierce peut la prononcer, ou le tuteur, ou le prétendant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Huitième question. Une femme demande s'il est permis d'aller avec son mari dans un hammam, un sauna, le hammam, où elle est seule avec son mari dans une pièce ou une cabine qui est réservée à ce couple. Et ceci, ça se passe en Algérie. Le cheikh Hafizahullah répond. Beaucoup posent cette question. Et même s'il y a une réponse de notre cheikh, le cheikh et docteur Mohamed Ali Falkout, Hafizahullah Ta'ala, où il permet à la femme qui a besoin de cela, de ce sauna, pour des soins du corps, elle en a besoin pour se soigner, car le prophète en sallam a prévenu, a mis en garde la femme d'enlever ses vêtements dans un endroit autre que chez elle. C'est-à-dire que le prophète en sallam demande à la femme musulmane de ne se dévêtir, d'enlever ses vêtements que chez elle, et non en dehors de chez elle. Et le cheikh Hafizahullah précise que ici, cette interdiction de se dévêtir, d'enlever ses vêtements, c'est-à-dire l'interdiction d'aller au hammam. Ça rejoint le sujet du hammam qui est interdit pour les femmes. Et les compagnons, radiallahu anhum, interdisaient à leurs épouses l'entrée au hammam. La raison est que seulement chez elle, chez sa famille, chez son mari, elle est en sûreté. En dehors, elle ne l'est pas. Donc, il n'est pas permis aux femmes d'aller dans ces hammams publics ou privés, même pour les soins. Donc, le chef précise. Sinon, il y a une alternative. Il y a des maisons à louer. Donc, un couple peut louer. Donc là, c'est une maison où ils peuvent dormir, passer la nuit, y vivre quelques jours. Et dedans, il y a des saunas à l'intérieur de ces maisons. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci à y aller. Donc une maison avec cette option dans laquelle tu peux séjourner et dormir, car là, c'est comme se doucher, c'est comme être chez toi. Neuvième et dernière question. Un frère en France qui est d'origine turque et qui est salafi et qui veut fréquenter une mosquée qui est sur la sunna. Ses parents refusent et réclament qu'il aille à la mosquée turque dans leur ville, dans laquelle il y a beaucoup de mal et d'innovation, et qu'ils sont sur le dogme Maturidi. C'est un dogme innové qui ressemble un peu à l'Ash'ariya. En plus de cela, ils accomplissent la prière rapidement, à une vitesse trop rapide, sans concentration et sans humilité. Et ce frère demande s'il peut prier chez lui à cause de l'interdiction de ses parents et de la réaction de ses parents. Il demande est-ce qu'il peut faire ses prières obligatoires à la maison. Le cheikh Hafizahullah répond en disant « Il faut savoir que la prière en commun à la mosquée est obligatoire, car Allah nous l'a ordonné lorsqu'il dit « Warka'u ma'arraki'in » dans le sens du verset, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, donc de la faire en groupe. Et le prophète en sallam nous l'a ordonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance pour une créature lorsque cela amène à la désobéissance du Créateur. Le musulman ne peut pas obéir à son père dans ce cas, car sinon il va commettre un péché en délaissant la prière en commun. Et le cheikh dit, je conseille aux frères de ne pas dire à ses parents qu'il va aller à la mosquée. Il n'est pas obligé de les informer, car sur ce point, il n'a pas besoin d'autorisation. Et s'il le faut, il les laisse croire qu'il va aller à la mosquée turque, où il y a des innovations. Puis lui, dans son chemin, il ira en direction de l'autre mosquée. Surtout que dans la question, il y a des points cités qui font que la prière peut être invalide, comme de prier rapidement comme ils le font. Et le cheikh dit, moi-même, je l'ai vécu, et j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, une fois dans un voyage que j'ai accompli en Turquie. Donc, si la prière est accomplie de la même manière que moi je l'ai vu en Turquie, alors sachez que la prière accomplie ainsi est invalide. Et la quiétude est un pilier dans la prière. L'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah est ce qui prime et c'est le plus important. Ici se termine la traduction des 9 questions posées au cheikh Nazhar Nekra, Hafizahullah Ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.